peut juger l'état d'un pays par la manière dont les idiots et les aliénés sont traités, comme le rappelle cet ancien adage. Alors, en cette nouvelle journée nationale de mobilisation pour un printemps de la psychiatrie, la France est un pays malade. Pour comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là, nous avons voulu remonter le fil de l'histoire et comprendre comment s'est construite la psychiatrie moderne. Des insensés d'antan condamnés à l'enfermement ou à la torture, aux aliénés enfermés à l'asile, jusqu'à aujourd'hui où de vastes études épidémiologiques montrent que plus d'une personne sur quatre souffre dans notre pays de troubles psychiatriques. Histoire de la psychiatrie, la fin du droit d'asile, c'est le programme Libéré qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour remonter donc aux sources de cette psychiatrie moderne et nous raconter ce chapitre de l'histoire de la médecine, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Corinne Benestroff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne chargée de cours à l'IUT René Descartes Paris 5. Et Michel Kerr, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, docteur en histoire à l'école pratique des hautes études, auteur de Soigner les fous, histoire des traitements médicaux en psychiatrie, c'est aux éditions Nouveau Monde. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude bien en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur France Culture. En podcast sur l'application que vous avez l'habitude d'utiliser, mais comme toujours, en complément de cette écoute, via notre fil Twitter @laméthodefc, où vous pouvez, vous aurez un certain nombre de liens pour compléter les propos qui vont être tenus autour de cette table. Alors pour commencer, retour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit à l'orée de ce qui va devenir la psychiatrie moderne. Georges Heuer est le secrétaire général du syndicat des hôpitaux psychiatriques. Écoutez, nous sommes le 22 novembre 1946. D'une manière générale, dans le grand public, on comprend mal que le fait de mettre un fou dans un asile soit de nature à le guérir. Enfin, on conçoit mal que le fait de retirer un fou de la société soit une mesure suffisante. Oui, docteur Heuer. Ce sont des formules tout à fait périmées, celles-là. Il ne s'agit plus de mettre les fous dans les asiles. Dans tous les asiles. Les asiles, d'abord, il n'y a plus d'asile d'aliénés, il faut bien comprendre ça, ça s'appelle hôpitaux psychiatriques. Cela veut dire que l'on soigne les malades dans les hôpitaux psychiatriques comme on les soigne dans les hôpitaux ordinaires. Et on soigne les malades mentaux, on les soigne, on les guérit. Depuis 30 ans, la psychiatrie a subi une véritable révolution thérapeutique. Des malades qu'on considérait autrefois comme des démons définitifs, comme les paralytiques généraux, sont guéris. Des mélancoliques qui mettaient 6 mois, 8 mois à guérir, sont guéris maintenant en 6 semaines, etc., etc. Nous avons maintenant un arsenal thérapeutique en psychiatrie qui permet de guérir les malades. N'est-ce pas? Et ils peuvent être guéris dans les hôpitaux psychiatriques, mais ils sont guéris aussi dans des hôpitaux ordinaires, dans les services libres des hôpitaux psychiatriques, services libres des hôpitaux ordinaires. Ils sont guéris complètement, ils sont traités comme les malades, comme les malades généraux. D'ailleurs, nous bénéficions en psychiatrie des progrès de la médecine générale, des pénicillines, de la pénicilline, des sulfamides, etc. Voilà, extrait de la Tribune de Paris sur la radiodiffusion française. Ça vous fait sourire, Corinne Benestroff? Oui. C'est la terminologie? Non, c'est l'enthousiasme de hier qui est très touchant avec le recul, parce que c'est une vision très un peu idéaliste quand même, bon, qu'on peut comprendre au sortir de la guerre et avec les grands bouleversements que vont connaître la psychiatrie nouvelle, entre guillemets, avec la psychiatrie de secteur, etc., et toute l'expérience des psychiatres et des soignants qui ont vécu la douloureuse période de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que, c'est assez touchant de l'entendre aussi optimiste sur la guérison définitive des malades. Michel Kerr. Oui, c'est vrai que Heuer s'exprime à une époque qui a été très difficile au sortir de la guerre. Il est très optimiste, d'une part parce que la période de crise la plus dure s'est terminée, d'autre part parce qu'on dispose déjà de traitements efficaces, alors qui ont été complètement remis en cause depuis, qui ont évolué, qui ont été remplacés surtout par d'autres mieux tolérés et plus efficaces, mais à cette époque-là, déjà, on pouvait quand même obtenir des résultats. Ce qui est remarquable, c'est aussi l'hospitalocentrisme du propos. Hein. C'est-à-dire, c'est à l'hôpital, que ce soit psychiatrique ou général, qu'il est question de soigner les malades. Et l'externalisation des soins, la sortie hors les murs de l'hôpital, n'a pas encore eu lieu ce sont les efforts de ses contemporains qui vont créer le secteur psychiatrique, qui vont obtenir ce grand changement. Alors avant de retracer cette histoire jusqu'au XXe siècle et jusqu'à nos jours, je le disais dans l'introduction, aujourd'hui c'est une nouvelle journée de mobilisation du secteur dans le cadre de ce qu'on appelle le printemps de la psychiatrie. Alors je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée un jeudi ici même au malaise contemporain de la psychiatrie en France, donc on va pas revenir trop longuement sur le sujet, mais tout de même, avec le prisme historique qui est le vôtre, qu'est-ce qui s'est mal passé en France pour aboutir à cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'il y a un décrochage par rapport à d'autres pays voisins, par exemple, qui explique aujourd'hui le malaise de tout ce secteur de la psychiatrie, Michel Kerr? La psychiatrie est en crise depuis un certain temps. La question est de savoir d'où elle vient et comment elle s'en sortira. Alors, c'est pas la première crise que la psychiatrie connaît. Celle qu'on vient d'évoquer était encore bien plus grave. Et puis, si on remonte dans le temps, il y en a eu des bien pires. Actuellement, c'est vrai que on est confronté à plusieurs phénomènes, événements, facteurs qui conduisent à une sorte de démoralisation de beaucoup de professionnels de la santé mentale. Et probablement la formation, probablement les effectifs sur le plan quantitatif, probablement aussi une réglementation qui a été peut-être mal comprise ou mal assimilée conduit à finalement une sorte de phénomène de pesanteur, enfin un poids qui pèse sur les épaules des professionnels, qu'ils soient médecins ou non. Et qui est peut-être, qui en tout cas mériteront des prises de position et des décisions de la part des autorités publiques. Il y a un plan qui est en préparation, qui a été présenté au mois de juin dernier par la ministre de la Santé, Corinne Ménestrov, sur ce malaise. Est-ce que c'est un malaise franco-français ou est-ce que c'est un malaise plus généralisé de la psychiatrie contemporaine? Je pense que c'est un malaise généralisé. Bon, je suis pas assez savante de façon précise sur ce qui se passe dans les autres pays, même les pays européens. Mais en tout cas, chez nous, je pense qu'il y a aussi des facteurs sociologiques, socioculturels et socio-économiques qui font que, alors que les soignants du secteur, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les centres médico-psychologiques, etc., en collaboration avec leurs collègues de l'intra-hospitalier, pouvaient s'appuyer à l'extérieur sur des structures associatives, les centres municipaux de santé, les associations, etc. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile puisque ces institutions, entre guillemets, manquent elles aussi de dotations financières. Et donc, du coup, sur le terrain, on se retrouve souvent un peu isolé puisque le patient qu'on pouvait autrefois adresser à d'autres partenaires pour améliorer son traitement, son accompagnement, eh bien, eux-mêmes sont démunis. Donc, je crois qu'il y a un ensemble de facteurs assez complexes qui font que ça met les professionnels et du coup les patients et leurs familles en grande difficulté. On va pas s'étendre là-dessus parce qu'encore une fois, je vous renvoie à l'émission que nous y avions consacrée. On vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc où on avait effectivement détaillé tout ce problème qui n'est pas qu'un problème de sous-financement, qui est un problème d'organisation des soins entre l'hôpital, le privé, la ville. Bref, tout ça avait été abondamment et largement commenté. Vous pouvez réécouter ça sur les podcasts et sur le lien qu'on vient de vous mettre sur le fil @laméthodefc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc et nous essayons de faire au cours de cette heure une histoire de la psychiatrie, de la façon dont on traite dans nos sociétés les personnes que l'on dit aujourd'hui, les patients qui souffrent d'affections psychiatriques, qu'on appelait autrefois les fous, les aliénés, les insensés, les malades mentaux. Nous en parlons avec Corinne Ménestrov et Michel Kerr. On va remonter aux origines, le plus loin possible, jusqu'à l'Antiquité. En tout cas, quelle est la place des fous dans la société antique, Michel Kerr? Alors les fous sont pris en charge de deux manières. Il y a une approche médicale et une approche qu'on pourrait dire magico-religieuse. ce sont deux approches qui ne sont pas du tout antagonistes, hein, qui sont complémentaires. D'ailleurs, la proximité des divinités et des médecins se rencontre dans les personnages de Imhotep en Égypte ou Asclépios en Grèce, etc. On peut avoir recours à Dieu ou au Dieu au pluriel aux médecins, donc qui vont traiter les malades les maladies et ou les malades de deux manières différentes. Les médecins vont se référer alors à partir de la période qui remonte à peu près 2500 ans au principe posé par Hippocrate. Mmh. Et c'est le grand personnage de l'Antiquité dans le domaine de la médecine. Alors, c'est-à-dire les bases de la médecine hippocratique ne concernent évidemment pas que la psychiatrie, mais la concernent aussi. Donc toutes les maladies sont dues à un déséquilibre des humeurs. C'est ça, vous pouvez peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est la théorie des humeurs d'Hippocrate. Alors les humeurs, c'est-à-dire l'organisme est composé de quatre humeurs, le sang, le phlegme, la bile et l'atrabile, ou bile noire. Et la dyscrasie, c'est-à-dire le déséquilibre des humeurs, que ce soit par excès, par défaut, ou par dérèglement, ou par corruption d'une humeur, doit être traité en rétablissant l'équilibre. Et l'essentiel du rétablissement des équilibres consiste en des méthodes d'évacuation et de dérivation. On évacue les humeurs morbifiques qui sont à l'origine de la maladie, notamment par des purges ou des saignées. Dans l'Antiquité ancienne, c'était déjà le cas. Et puis viendra Galien, plusieurs siècles après, qui complétera donc la théorie hippocratique en associant aux humeurs des tempéraments. La deuxième approche qui domine d'une certaine manière dans l'Antiquité, alors avant Hippocrate à plus forte raison, mais après même, c'est l'approche religieuse. Donc l'idée est que la maladie vient d'un péché ou d'une entorse à la loi divine, et que le pécheur est puni. C'est une punition divine. Et qui peut trouver récipiscence ou son salut dans la prière ou dans la mortification. On dit souvent, Corinne Benestroff, que finalement la conception de la folie est toujours une conception relative, que la frontière entre le sage et le fou est ténue, qu'elle dépend des sociétés, qu'elle dépend des époques. Oui, ça c'est une constante, je pense que Michel Carr sera d'accord avec moi, c'est une constante dans l'histoire de la psychiatrie et même des soins en général, puisque la grande diversité des manifestations que le clinicien voit, que tout le monde peut voir, s'inscrit dans un temps, un lieu, une époque, des représentations sociétales, groupales, collectives, religieuses, etc. Et donc, du coup, à chaque fois, la difficulté pour le clinicien, et je pense à toutes les époques, c'est de faire la part des choses, de trier entre ce qui relève de la manifestation, de la difficulté présentée par le patient, et ce qui relèverait d'autres choses très diverses, qui viennent parasiter en fait l'examen clinique. Ce qui est passionnant dans la psychiatrie, c'est que on n'est jamais sûr de rien et que là, il y a une porosité entre les domaines. Tel symptôme va être considéré à un moment donné comme par exemple de la simulation. Bon, c'est le cas des pauvres soldats de 14-18 qui souffrent de troubles que l'on n'arrive pas très bien à comprendre. Et puis, il va falloir beaucoup de travaux pour se rendre compte que bien non, ce n'est pas de la simulation, c'est la conséquence des traumatismes qu'ils ont subis. Donc aujourd'hui encore, on est finalement dans la même configuration à chaque génération, je pense. Hein. Les cliniciens doivent interroger ce qui relève de la clinique pure, qui n'existe pas, et des représentations sociales. Et Hervé Guillemin a fait un très très beau livre sur l'histoire du concept de schizophrénie, dont le sous-titre raconte ça, justement, les effets secondaires de l'histoire. C'est-à-dire comment, au fil du temps, le patient avec les mêmes troubles, donc lui il travaille en historien, donc en étudiant dans la durée des prises en charge de patients au long cours, et on voit bien que le même patient, les mêmes troubles, et bien au fil du temps vont être catalogués avec des appellations nosographiques totalement différentes. Michel Kerr, sur cette distinction, est-ce qu'on peut parler à proprement parler de diagnostic psychiatrique dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, ou est-ce que tout est réuni sous des appellations un peu génériques sur des phénomènes qui sont en général soit des phénomènes d'exclusion, soit au contraire des phénomènes de divinification, parce que quand on pense à des grands mystiques qui étaient certainement des gens qui souffraient aujourd'hui avec un diagnostic clinique de troubles psychiatriques. Dans le domaine médical, enfin pour ce qui concerne les médecins, ils ont déjà des concepts nosographiques, disons. Hein, enfin, on utilise les termes d'hystérie, de manie, de mélancolie, de frénésie, etc., qui décrivent, enfin qui rendent compte d'un certain tableau médical clinique. Mais un frénétique ou un maniaque peut aussi être considéré par d'autres personnes comme un possédé. Ce qui est une question de foi, une question de croyance, et qui est très liée au contexte culturel, évidemment. Ce qui nous amène d'ailleurs, effectivement, au Moyen-Âge. Alors, effectivement, on l'a dit, on en a parlé assez récemment, d'ailleurs, quand on essayait de retracer une histoire de la médecine des civilisations arabo-musulmanes. En Europe occidentale, c'est Galien qui va fixer pour 1500 ans les canons de la médecine. Au Moyen-Âge, les fous sont exclus, sortis du champ de la ville ou tués, brûlés. Le Moyen-Âge est une période si longue et si complexe qu'il est difficile de résumer les choses comme ça. Mais enfin bon, la période la plus difficile finalement pour à ce sujet-là, c'est la Renaissance, paradoxalement. C'est-à-dire c'est pendant la Renaissance qu'a eu lieu cette épidémie de sorcellerie qui a conduit un grand nombre de personnes au bûcher. Et à l'exclusion, ce qui était quand même peut-être le meilleur sort qu'il pouvait espérer par rapport au premier, et qui va prendre fin. Alors, il y a un grand personnage qui a compté beaucoup en Europe occidentale qui s'appelle Jean Vier, et qui a remis en question cette idée de possession diabolique. Et c'est vraiment la période où on est passé, alors c'est Henriet, un grand psychiatre du XXe siècle, qui disait qu'on est passé de la notion d'esprit du mal à la notion de maladie de l'esprit. Et donc à partir de là, mais enfin il a fallu encore un siècle après Janvier, à partir de là on a abandonné, disons la médecine est devenue prévalente par rapport aux prises en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, hein, bon, qu'on appelait fous, insensés, aliénés, etc. Et donc un quasi-abandon de cette idée de démonologie. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ça de façon un peu panoramique, on a l'impression que la place du fou dans la société, c'est l'exclusion, l'incarcération, l'exclure à nouveau, ce sont que des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur de la cité. Corinne Benestroff, qu'est-ce que vous en pensez? De la cité ou ensuite de l'hôpital ou de l'asile. C'est-à-dire que soit on essaye de les intégrer, soit on essaye de les rejeter, soit on essaye de les rejeter en les isolant. C'est-à-dire que la personne souffrante, hein, de troubles mentaux dit aussi des choses alors qui peuvent certes être étranges ou dangereuses ou inquiétantes, mais elles disent aussi des choses très intéressantes sur leur expérience, à la fois leur expérience intime, interne, par exemple le rapport à la temporalité, etc., ou des phénomènes un peu étranges que nous n'expérimentons pas chaque jour dans la vie quotidienne. Et en même temps, très souvent, elles disent aussi un autre mal-être qui est le mal-être aussi peut-être de catégories sociales ou de groupes sociaux, etc. Donc, ces personnes sont à la fois attirantes, fascinantes, inquiétantes et en même temps étrangement dérangeantes. C'est l'inquiétante étrangeté. Donc, on a à la fois l'envie de les protéger, de les aider, de les secourir et en même temps la peur de leur étrangeté et la peur aussi de la contamination qui pourrait advenir à leur fréquentation trop proche. Les fous, les insensés, c'est le miroir déformant de la réalité, c'est pour ça qu'on les rejette, c'est parce qu'ils nous font peur, parce qu'ils nous renvoient une image de nous difforme dans laquelle on ne se reconnaît pas. Michel Kerr ? Je parle de l'époque médiévale, de la Renaissance. Oui, hein. Oui, sans doute. C'est aussi en l'occurrence, bon, ça concerne quand même les malades les plus gravement atteints. C'est aussi le caractère imprévisible et considéré comme dangereux de ces personnes qui effectivement doivent être soit rejetées des villes, hein, en dehors des portes et des remparts, soit enfermées dans les tours de remparts ou dans les prisons. Et c'est quelque chose alors qui concerne finalement un nombre relativement faible de personnes. Et le vrai grand renfermement, il va commencer au début du 19e siècle. Hein. C'est-à-dire après la fondation de la psychiatrie, enfin qu'on appelait aliénisme, comme discipline médicale. Du début de la logique asilaire. Avant ça, peut-être encore quelques mots justement sur l'âge classique, la Renaissance. On parle des insensés, hein, c'est-à-dire que il y a très peu de considérations médicales. Ce ne sont pas pendant très longtemps, jusque même au XXe siècle, des personnes que l'on essaye de soigner vraiment. Oui, donc il y a un recours donc qui est possible. Auprès de la religion, notamment donc dans le cadre de pèlerinages et de séances d'exorcisme, hein, qui avaient réellement lieu soit dans le cadre de pèlerinages, soit en dehors. Et puis donc cette médecine hippocratique. Une fois que le malade avait été traité, si le traitement ne donnait pas de résultat, il était en quelque sorte abandonné à son sort, et il était considéré comme irrécupérable ou comme incurable, et ce sera un vrai changement ensuite de considérer que finalement il n'est jamais l'espoir n'est jamais perdu d'obtenir un résultat avec les traitements. Les premiers hôpitaux arrivent donc justement à la Renaissance, avec les premiers hôpitaux, l'apparition des premières salles spéciales dans ces hôpitaux. Ça veut dire qu'on commence à intégrer tout de même les malades mentaux dans le rang des malades physiques. Michel Kerr? Pas au Moyen-Âge, à la Renaissance. On va effectivement disposer d'un certain nombre d'établissements. Alors les premiers établissements dans le monde méditerranéen ont été créés en terre d'islam. Le fameux hôpital de Bagdad. Bagdad, oui, Fès au Maroc, etc. Et on va voir s'ouvrir un certain nombre d'institutions généralement gérées par des ordres religieux en Espagne, en Europe du Nord, en France, mais finalement assez tardivement. Hein. Il faut arriver au XVIe, XVIIe siècle. Et par ailleurs, dans les hôtels-dieux, il a pu arriver qu'on installe des salles de traitement intensif, si on peut dire, notamment à l'Hôtel Dieu de Paris, qui, au moins depuis le début du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, disposait de salles de traitement pour les fous d'un côté, pour les folles de l'autre. Quelle est la conception que l'on se fait encore à cette époque-là, à l'époque de la Renaissance jusqu'au début, on va arriver au début du XIXe siècle, c'est-à-dire XVIIe, XVIIIe, de l'esprit humain? Est-ce qu'on comprend qu'il y a des failles dans l'esprit humain? Est-ce que ces mots psychiatriques que l'on voit sont des mots qui sont strictement liés à la physiologie, à la morphologie, au corps? Alors je crois que c'est un peu compliqué, la période est un petit peu trop large parce qu'il y a eu des mouvements différents. À chaque fois, d'une certaine façon, et ça c'est peut-être général pour toutes les époques, c'est qu'on va osciller entre des modèles explicatifs très différents pour comprendre ce qui arrive aux malades. Alors, il y a toujours le dérèglement des humeurs, bien sûr. Ça court encore même jusqu'au 19e siècle. Ça va aussi beaucoup toucher les femmes. Ça serait une autre émission sur la psychiatrie, sur le traitement des femmes au sein dans l'histoire de la psychiatrie. Et puis, il va y avoir aussi des interconnexions entre des modèles, par exemple, religieux, bon, qui continuent, mais aussi des modèles plus dérivés des grands modèles philosophiques, où on va essayer de comprendre le rapport de l'individu par rapport à son groupe social ou par rapport à la société, etc., etc. Donc, en fonction des médecins et des cliniciens, eh bien le même malade peut avoir des traitements extraordinairement différents. Et puis il y a aussi l'importance géographique entre les centres urbains et les campagnes où les pratiques magico-religieuses perdurent beaucoup. Un mot peut-être rapidement, Michel Carr, sur les premières tentatives d'approche thérapeutique. Elles sont parfois, quand on les regarde avec les yeux d'aujourd'hui, cruelles, parfois dérisoires. On parle par exemple d'un tressautoir pour secouer les personnes parce qu'on imaginait que les voyages... Racontez-nous un peu ces premières tentatives d'approche thérapeutique. Oui. Alors c'est le début du XVIIIe siècle. On remarque, et c'est souvent comme ça qu'on a découvert des traitements, des méthodes de thérapeutique, on remarque comme ça que des personnes qui sont atteintes de ce qu'on appellera la paralysie agitante du temps de Charcot, qui est aujourd'hui appelée maladie de Parkinson, améliorent leur état quand ils font un voyage dans des carrosses ou dans des voitures, sur des pavés ou sur des routes un peu chaotiques. Et on a l'idée, alors c'est un médecin montpelliérain qui s'appelle Chirac et un certain abbé de Saint-Pierre, de fabriquer ce fauteuil qu'on va appeler le tressautoir, dont d'ailleurs Voltaire va acquérir un exemplaire, et qui va avoir non seulement un intérêt pour ces troubles nerveux, neurologiques, on pourrait dire aujourd'hui, mais aussi pour toutes les maladies de nature dépressive, mélancolie, spleen. Et donc, alors, il y a des théories sur le fait que ça améliore la circulation du phlegme ou de la lymphe ou du sang, et que ça désencombre les organes internes qui sont congestionnés. Et donc, il y a une première étape au début du 18e siècle, dans le courant du 18e siècle, puis il y en aura une nouvelle beaucoup plus tard, un siècle après, où on va construire un fauteuil trépidant dans certains hôpitaux pour y placer les malades qui n'ont pas la possibilité de partir en voyage. Et puis, finalement, alors on ne sait pas très bien si c'était le voyage en lui-même ou si c'était le phénomène mécanique des voitures qui tressautaient sur les pavés qui avait un effet. Mais en tout cas, c'est un fait d'observation, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Hein. On s'inspire de l'observation, et puis aussi des procédés de la nature. C'est-à-dire quand la nature montre que une maladie va s'améliorer à partir de tels phénomènes, les médecins ont tendance à essayer de trouver une manière de répliquer la manière dont la nature a opéré. Et notamment, par exemple, pour les purges, c'était le cas. Hein. C'est-à-dire une diarrhée importante peut modifier le cours d'une maladie. Donc on va provoquer une diarrhée pour non seulement purger, mais aussi imiter la nature. Puis il y a aussi les premières tentatives de pharmacologie avec l'usage de drogues, que ce soit l'opium ou le haschich. Oui, ça c'est donc là. Alors c'est dans le cadre de la phytothérapie, enfin bon, qui domine le recours aux substances minérales ou animales, et notamment avec l'utilisation des solanées, mandragore, datura, stramoine, etc., et qui provoque en fait des troubles qu'on cherche à guérir. C'est le principe de la substitution d'un symptôme par un produit qui provoque le même symptôme. C'est la base de l'homéopathie qui a été complétée par Hahnemann par la haute dilution. Mais autrement, remplacer une maladie par une autre ou traiter un symptôme par un produit qui provoque le même symptôme chez le sujet sain, ce sont deux méthodes qui ont été employées et qui sont très longtemps, qui sont issues de la magie sympathique. C'est l'eau qui fait pleuvoir. Il y a une sorte de métonymie entre l'effet et la cause. Des méthodes souvent assez rudes. Hein. Enfin bon, c'est quelque chose qui secouait le malade et qui provoquait donc un trouble qui était censé se substituer au trouble initial naturel. Comment est-ce qu'on en arrive, Corinne Benestroff, au 19e siècle, donc aux prémices de ce qui va devenir la psychiatrie moderne, en tout cas la première phase de la psychiatrie moderne, c'est-à-dire la logique asilaire avec une date, 1802, qui est la fermeture de la salle des fous et des folles à l'Hôtel Dieu de Paris et la création de la maison de Charenton pour les hommes et de la salle pétrière pour les femmes, qui est, je crois, et je parle sous votre contrôle l'un à l'autre, mais le premier asile de l'histoire de la psychiatrie. Eh bien, là encore, il faut tenir compte, je pense, hein, des évolutions sociales et politiques de l'époque, puisque les grands bouleversements qui ont précédé la volonté, par exemple, d'assainir les villes, de diminuer les incendies, de, etc. Toute la période du baron Haussmann, de on nettoie Paris, on fait le tout à l'égout, etc., etc., qui obéissent à la fois à des logiques sanitaires, mais aussi à des représentations toujours culturelles de l'époque, vont pousser à construire des établissements dans l'idée de soigner les insensés, de les aider à retrouver un peu de raison et aussi de le redressement, dira Michel Foucault plus tard. Et donc, du coup, on va construire des établissements un petit peu, souvent, pas toujours, mais souvent un peu éloignés, parce qu'il y a aussi une théorie du bonheur qui dégagerait les mauvaises humeurs qu'on a dans la tête. Et donc, on envoie les malades à la campagne. Alors, ça peut être la campagne toute proche, hein. À l'époque, par exemple, le quartier d'Auteuil, qui n'est pas comme il est aujourd'hui, et c'est encore la campagne à Paris, et on pense que, et là, il y a des maisons de santé qui accueillent des patients dont on pense que le bon air de cette petite campagne va les aider à retrouver la raison. Donc il y a la clinique du docteur Blanche. Enfin, il y a eu plusieurs petites institutions comme celle-là qui promouvaient cette idée qu'il fallait mettre le malade dans un lieu calme, avec de la verdure, où on le ferait marcher, etc., etc., et que ça l'aiderait à se sortir de ses problèmes. Et puis, il y a aussi toujours l'autre versant, qui est que pour les malades les plus malades, donc les plus agités, les plus bruyants, les plus potentiellement dangereux, et que c'est les plus inquiétants, eh bien, ma foi, ils étaient plus loin. Il faut les tenir à l'écart, il faut les sortir des rues, ça va avec... C'est à la fois les deux. Michel Kerr, il y a une logique architecturale qui est commune aussi à ces lieux. Quand on rentre, quand on voit les bâtiments de cette époque, on voit qu'ils sont tous construits sur un modèle similaire. Oui, alors je reviens un instant. Donc la période anti-révolutionnaire, disons, enfin d'avant 1800, l'exclusion est manifeste. Hein, c'est-à-dire on élimine les personnes qui sont dérangeantes, qui troublent l'ordre public, etc. On les relègue dans les hôpitaux généraux. Ce qui s'appelait hôpital général ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle hôpital aujourd'hui. Hein. Et puis, au moment autour de la Révolution, autour de l'année 1800, il va y avoir un courant de pensée qui est très bien personnifié par Philippe Pinel, et puis par son élève Esquirol, enfin son principal élève et disciple, et qui va rompre avec avec 2500 ans de médecine mentale, pratiquement. Hein. C'est-à-dire où on va considérer que le traitement physique ne convient pas, et lui substituer ce qu'on va appeler le traitement moral. Et pour mettre en application le traitement moral, il faut isoler le malade. Alors le malade, alors l'aliéné, c'est-à-dire la personne qui est victime d'une maladie. Hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que on remet un peu en question la notion de maladie mentale aujourd'hui. C'est quelque chose qui a fondé la médecine mentale moderne. Donc le traitement moral doit être mis en œuvre dans le cadre de l'isolement du malade de son milieu habituel. Alors c'est pas un isolement en chambre d'isolement comme on pourrait le penser aujourd'hui, c'est l'isoler du lieu et du cadre et de l'environnement dans lequel les troubles ont prospéré ou même sont nés. Et donc on va fonder des établissements. Alors effectivement, la Salpêtrière et Bicêtre, c'est des sortes de recyclage des anciens établissements de l'Ancien Régime. Mais les asiles d'aliénés authentiques vont être construits sur un modèle qui va être reproduit à de nombreux exemplaires et où effectivement l'architecture, l'établissement lui-même, l'hôpital fait fonction de remède. Et le cadre lui-même a un rôle absolument essentiel, y compris dans le traitement moral. Puisque le traitement moral, c'est une approche psychologique, dirait-on aujourd'hui, individuelle, tant que les aliénistes ne seront pas débordés par leur succès. Et puis le traitement moral collectif qui prend en considération tout ce qui est, ce qui n'est pas traitement moral individuel. Et donc les asiles d'aliénés du 19e siècle vont se constituer sur ce principe-là. Et malheureusement, victimes de leur succès, je répète, vont devenir des traitements qui n'en sont pas, mais de masse. Thank you. I see a man without a problem. I see a country always starved. I hear the music of a heartbeat. I walk and the people turn and laugh. My history. I dream of all the calls I miss. I try to number those who love me and find exactly what the trouble is. Is it in my head de The Who? Est-ce que c'est dans ma tête? Pas toujours. En tout cas, c'est là que ça se passe, puisque nous parlons aujourd'hui de l'histoire de la psychiatrie. À 16h36 sur France Culture, nous en parlons avec Corinne Benestroff, qui est psychologue clinicienne chargée de cours à l'UT René Descartes Paris 5, et avec Michel Kerr, qui est médecin psychiatre, docteur en histoire à l'école pratique des hautes études. Alors, on avance un peu dans cette histoire, ce qui nous amène et ce qui nous conduit au début du XXe siècle, dans les pas de Charcot, que vont se développer un grand nombre, un arsenal thérapeutique qui n'existait pas auparavant, mais aussi, Michel Kerr, les premières tentatives de nomenclature un peu sérieuses et un peu scientifique, en fait. Oui, enfin, alors donc, en revenant à la période donc initiale, l'invention de la psychiatrie moderne avec Pinel considérait que la maladie était unique. C'était l'entité morbide uniforme. Et qui pouvait présenter plusieurs genres, plusieurs formes. Et puis, au fil du siècle, les choses ont évolué et on a considéré que, finalement, ce concept de maladie unique n'était pas opératoire. Et c'est probablement, d'ailleurs, le mérite de l'Allemagne et de la France d'avoir fait progresser beaucoup la nosographie. Aujourd'hui, c'est vrai que l'intérêt est moindre, mais on a pu, effectivement, élaborer un certain nombre de pathologies, un certain nombre de typologies de maladies qui relevait de différents traitements et qui pouvait aussi faire l'objet de recherches sur le plan éthiopathogénique, c'est-à-dire d'où venaient ces maladies-là. Et le grand mérite de Charcot, alors qui n'était pas psychiatre, hein, qui n'était pas aliéniste, mais qui a d'avoir fondé la neurologie et d'avoir finalement séparé les maladies nerveuses de l'aliénation mentale, des maladies mentales, et au sein des maladies nerveuses, il s'est occupé non seulement des maladies neurologiques au sens d'aujourd'hui, mais aussi des maladies névrotiques au sens que ça va prendre plus tard. Et donc l'hystérie, mais aussi les phobies, mais aussi l'anorexie mentale, etc., ont fait l'objet de ces études. Peut-être Corinne Benestroff, justement, un mot sur l'apport de Charcot. Vous parliez tout à l'heure de la façon dont on traite les femmes. Évidemment, c'est très lié aux travaux de Charcot sur l'hystérie qui est restée un peu dans la mémoire collective à cause de ces photos qui vont être d'ailleurs la base des travaux de Freud plus tard. Mais peut-être un mot justement sur ces travaux et sur cet apport à l'histoire générale de la psychiatrie. Bah, disons que Charcot a sorti ces femmes, ces folles spectaculaires, souvent de leur comment dire des dortoirs collectifs où elles s'éteignaient peut-être un peu, et que du coup le regard sur elles a changé. Alors il y a aussi toute une histoire sur la prise en charge, enfin sur la manière dont les travaux de Charcot ont évolué. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire du regard et du fait que on va les regarder, on va les photographier. Il y a un petit côté bête de cirque, mais il y a aussi, je pense, un véritable intérêt qu'on retrouvera plus tard chez d'autres psychiatres comme par exemple de Clérambeau, qui lui aussi va questionner cette histoire du regard qu'on porte sur les malades. Cette première partie du XXe siècle, post-Charcot, c'est aussi l'apparition d'un arsenal thérapeutique. C'est là qu'apparaît l'électrothérapie, hein, qui est encore d'ailleurs pratiquée aujourd'hui dans des cas très particuliers de dépression résistante, mais aussi d'autres formes un peu plus exotiques, type l'impaludation, l'insulinothérapie et la pratique des premières lobotomies. C'est une période qu'on regarde tout de même encore avec une forme d'approche assez brutale et assez barbare de la psychiatrie. Michel Kerr. Oui, bon, non, ça, ce sont des découvertes qui s'étagent entre la fin des années 10 et la fin des années 30. Une vingtaine d'années, enfin, de découvertes extrêmement importantes. Alors, pour leurs contemporains, ça a été vraiment des inventions absolument extraordinaires et inespérées. C'est-à-dire la malaria-thérapie, hein, c'est-à-dire qui consiste à inoculer l'agent du paludisme. Forme bénigne du paludisme, hein, Plasmodium vivax, pour traiter la paralysie générale, qui était un fléau social, qui était la syphilis tertiaire, et donc qui était surreprésentée dans les asiles d'aliénés, qui aboutissait à une sorte de déchéance démentielle catastrophique. Et donc c'était la première fois qu'on disposait d'un traitement biologique efficace pour une maladie à expression psychiatrique. Et donc au début des années 20, tout le monde a adopté cette technique qui enfin donnait des résultats dans une maladie quantitativement importante et puis qui était désastreuse pour ceux qui en étaient atteints. Et puis ensuite, effectivement, on a inventé, alors tout ça, soit c'est parti de théories fausses, soit c'est parti d'observations fortuites. Hein. On a inventé l'insulinothérapie, les comas insuliniques, Manfred Sackel, et puis effectivement... C'est-à-dire qu'on plongeait les patients dans un coma d'hyperglycémie. Hypoglycémie, oui. D'hypoglycémie, et puis ensuite on resucrait le malade pour qu'il ressorte de son coma, évidemment. Alors il y avait une succession de séances, et ça a été le premier traitement actif, et à l'époque considéré comme efficace, de ce qu'on va appeler la schizophrénie un peu plus tard, hein, qu'on appelle encore démence précoce. Et on a tout à fait remis en question l'efficacité de l'insuline dans les résultats de l'insulinothérapie. Paradoxalement, vraisemblablement, c'était plus l'intensification de la prise en charge des malades et le caractère relationnel et psychologique du traitement qui importait plutôt que l'effet biologique du produit. Et puis la convulsivothérapie aussi, qui a été inventée à partir d'une théorie inexacte qui était l'antagonisme entre épilepsie et psychose. Donc avec du camphre, ensuite du cardiazole et ensuite de l'électricité, donc les électrochocs, et qui consistait à provoquer des crises d'épilepsie chez les psychotiques, et considérant que un épileptique ne pouvait pas être psychotique et réciproquement. Et les résultats ont été extraordinaires, non pas dans la pathologie qu'on espérait initialement, mais dans la mélancolie, les dépressions les plus graves. Et c'est une indication qui reste encore aujourd'hui valable pour les dépressions résistantes, gravissimes, mettant en jeu la vie des malades, etc. Donc c'est une invention extrêmement importante. Et alors, on parlait d'œillères tout à l'heure. Alors, j'ajoute quand même la lobotomie, hein, qui a été inventée dans les années 30 et qui a été... totalement rejetée en France au moment où elle a été présentée en 1936-37. Ça a été un véritable tollé de la part des psychiatres de l'époque. Et puis, après les résultats obtenus aux États-Unis, notamment par Walter Freeman et autres, et puis dans les pays du nord de l'Europe, et les pays anglo-saxons en général, les Français ont adopté la technique et ont fait bénéficier, si on pourrait dire, pas mal de malades, et y compris les plus grands psychiatres des années 40 et 50, ont eu recours à cette méthode extrême. Et donc hier, quand il parlait du fait qu'on traitait les malades et qu'on en guérissait beaucoup, avait cet arsenal thérapeutique, comme il en parle de manière un peu guerrière, à sa disposition. Et y compris chez les enfants, puisque Heuillère est le fondateur de la psychiatrie infanto-juvénile en France. Un mot, parce que le temps tourne, peut-être un mot, Corinne Benestroff, pour arriver au présent et revenir finalement à l'archive qu'on a entendu au tout début de cette émission. Qu'est-ce qui pousse à un moment donné, puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on va entrer dans la psychiatrie qui va amener à celle qui est pratiquée aujourd'hui, la psychiatrie de secteur, qu'est-ce qui pousse finalement les psychiatres à en finir avec la logique asilaire? Pourquoi est-ce qu'on décide à un moment donné de sortir les malades mentaux, les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques de l'asile? La guerre, les conséquences dramatiques de la famine dans les hôpitaux, il y a plusieurs facteurs évidemment, le fait qu'un grand nombre de psychiatres et de soignants de l'époque ont vécu des choses terribles pendant la guerre, soit parce qu'ils étaient résistants, soit parce qu'ils ont assisté à des bombardements, etc., ou soit parce qu'ils ont été déportés. Et donc, du coup, ces personnes ont fait elles-mêmes des expériences d'enfermement, souvent des expériences aussi traumatiques, graves, et elles ont du coup une autre approche, une autre sensibilité de ce que peut être le désordre. En fait, elles ont connu elles-mêmes le désordre, et du coup ça met une sorte de relativité aux conceptions de la maladie. Et puis, il y a le programme politique, enfin, pour le cas français en tout cas, qui va avec, la volonté de refonder la nation, d'améliorer, c'est tout le programme du Conseil national de la résistance. Donc, c'est cette série de facteurs convergent et vont faire que on va inventer de nouvelles manières de soigner les gens. Il y a aussi tous les prisonniers de guerre qui rentrent, les déportés qui rentrent. Bref, il y a une configuration sociétale qui va faire que on est plus enclin à s'intéresser à l'expérience vécue par le sujet et donc à promouvoir un traitement pluridisciplinaire plutôt qu'un strict traitement médical au sens premier du terme. Donc du coup, les facteurs s'interpénétrant, on arrive à cette nouvelle politique du secteur qui va révolutionner quand même la psychiatrie en France. Et puis les années 50 aussi, avec d'un seul coup la pharmacologie qui donne aux psychiatres des outils thérapeutiques, médicamenteux qui n'existent pas jusqu'à présent et qui d'ailleurs sont peu ou prou aujourd'hui encore issus de ces recherches des années 50, Michel Carr. Oui, ça a été une véritable aubaine, y compris parmi les fondateurs de la psychothérapie institutionnelle, qui est le courant de l'après-guerre, de réforme du dispositif de psychiatrie en France. L'intégration de la psychanalyse et de la psychothérapie à l'intérieur des soins psychiatriques. C'est-à-dire la psychanalyse a joué un rôle absolument essentiel. Et le problème était que les hôpitaux recommençaient à être encombrés au sortir de la guerre. Et que la découverte des neuroleptiques, alors à Sainte-Anne, en 1952, l'identification de la première molécule qui avait un effet antipsychotique a ouvert la voie à des prises en charge extra-hospitalières. Mmh. Et y compris des prises en charge exclusivement extra-hospitalières. Donc, mise en route d'un traitement à l'hôpital psychiatrique, puis suivi à l'extérieur. Et donc, ça a été un facilitateur de réformes qui étaient déjà engagées à ce moment-là, et c'est probablement ce qui a fait leur succès. Et puis quelques années après, les antidépresseurs et puis ensuite les tranquillisants. Donc en une dizaine d'années, en y ajoutant le lithium, on a disposé de l'essentiel des thérapeutiques médicamenteuses qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors nous avons voulu, évidemment, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, nous intéresser aujourd'hui aux nouvelles pratiques de recherche en psychiatrie. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à Tours à l'Institut eBrain qui développe des approches que l'on qualifie d'innovantes en matière de recherche sur certains troubles psychiatriques. Oui, je suis allé à la rencontre de Catherine Belzoum qui est la directrice de cet institut imagerie et cerveau à eBrain qui depuis 30 ans croise les disciplines pour comprendre au mieux les pathologies psychiatriques et développer des traitements adaptés. Elle nous explique ce qui fait l'originalité de ce centre de recherche où se croisent entre autres des psychiatres, des biologistes ou encore des linguistes qui combinent leur approche pour cerner au mieux l'autisme et la dépression résistante notamment. Entre le recours aux innovations technologiques et les combinaisons de pratiques thérapeutiques, Catherine Belzoum nous donne aussi un aperçu de ce que pourrait donner dans les années qui viennent la prise en charge de certaines maladies psychiatriques et la recherche fondamentale qui l'accompagne. L'originalité de iBrain, elle est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement, c'est un institut qui est très interdisciplinaire, puisque actuellement, il y a des personnes de 14 disciplines différentes qui travaillent ensemble. Et puis, je pense qu'une autre caractéristique, c'est le lien entre ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire sur des cellules, sur des souris, et la recherche clinique, puisqu'on est, comme vous le voyez, quasiment dans l'hôpital. Donc on a un accès qui est facilité aux patients, mais par ailleurs, on a aussi des facilités pour faire des travaux chez l'animal ou sur des cultures cellulaires. Sur quel type de troubles psychiatriques vous vous penchez en particulier et pourquoi avoir fait ce choix-là ? Alors nous nous penchons sur deux troubles psychiatriques principalement. Donc en fait, il y a d'abord l'autisme parce que c'est en fait le trouble le plus fréquent chez l'enfant. Et puis ensuite, on se penche sur des troubles qui sont les plus fréquents chez l'adulte, en particulier la dépression. Et ce sont en plus des troubles qui sont assez mal pris en charge. Et donc, il faut essayer d'améliorer le traitement. Quelles technologies sont justement mobilisées dans le cadre de ces recherches-là et en quoi c'est un petit peu original pour la recherche en psychiatrie ? L'un des grands problèmes avec les pathologies psychiatriques est qu'elles sont très mal prises en charge, il y a très peu de traitements. Et donc, pour essayer de trouver des nouvelles solutions, une des premières choses que nous avons fait, c'était moi personnellement, c'était un dialogue avec un philosophe. Alors on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'un philosophe vient faire là-dedans ? Bah, en fait, les philosophes sont souvent des personnes qui disposent d'outils conceptuels assez sophistiqués. Et ce philosophe m'a dit, bah, peut-être que si par exemple il y a autant de résistance au traitement d'une maladie psychiatrique, c'est parce qu'il existe plusieurs formes de ces pathologies. Or, les traitements existants vont peut-être traiter que l'une des formes, une forme qu'il faut continuer à prendre en charge la manière dont elle est prise en charge actuellement, mais il faudrait essayer de mettre en place aussi des diagnostics pour d'autres formes. Donc là, l'approche que nous utilisons, c'est effectivement une collaboration avec des personnes de notre institut qui maîtrisent des techniques d'imagerie sophistiquées. Donc ça nous permet de les utiliser pour préciser le diagnostic, pour mettre en évidence des sous-types de ces différentes pathologies. Nous avons aussi des collègues qui sont spécialisés dans tout ce qui est analyse métabolomique, qui vont pouvoir trouver une signature moléculaire de ces différents sous-types de pathologies. Donc ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est après essayer de mettre au point des nouveaux traitements pour ces différentes sous-formes. Parce qu'évidemment, c'est bien joli d'avoir identifié des sous-formes. Si on n'a rien à proposer aux patients, c'est un peu dommage. Alors, quel type de sous-formes, justement, vous avez pu identifier et comment ensuite vous avez enclenché des mécanismes de traitement nouveaux pour ces nouvelles formes ? Dans la dépression, il y a donc une forme principale qui est la forme qui associe, en fait, par exemple, la dépression à une absence de, ou un déficit de neurotransmission qu'on peut donc corriger en augmentant la neurotransmission. Mais à côté de ça, nous pensons qu'il y a plusieurs autres formes de dépression résistantes au traitement, elles, qui peuvent être dues, premièrement, à un processus neuro-inflammatoire ou bien qui peut être dû à des altérations du fonctionnement de certains circuits, c'est-à-dire certaines régions qui sont hyperactivées ou sous-activées. Et pour ce problème précis, par exemple, nous sommes en train de mettre en place des techniques de neurostimulation. Donc il existe déjà pas mal de techniques de neurostimulation qui ont été décrites, comme la stimulation magnétique transcrânienne. Nous étudions les mécanismes qui permettent d'expliquer l'efficacité de ces traitements. Et en même temps, nous mettons aussi en place des nouvelles techniques de neurostimulation, par exemple avec des ultrasons, qui offrent des avantages par rapport aux techniques existantes, parce que, par exemple, elles peuvent permettre de mettre en évidence ou de cibler des zones profondes du cerveau, ce qui n'est pas le cas des autres techniques. En termes de perspectives et de projets de recherche qui sont aujourd'hui mis en place par votre institut, quels sont ceux voilà, dont vous pouvez nous parler et qui sont un petit peu, selon vous, prometteurs ou en tout cas qui annoncent une sorte de futur un petit peu de la recherche dans le domaine et de la psychiatrie et de la biologie en lien avec la psychiatrie ? Je pense que c'est tout ce qui concerne les techniques de neurostimulation ou plutôt, pour être plus précise, des protocoles qui essaient d'associer en fait différentes méthodes. C'est-à-dire, par exemple, il y a actuellement un protocole qui est en cours sur le stress post-traumatique où le chercheur associe à la fois quelque chose qui relève, disons, de la psychothérapie, C'est-à-dire, on demande au patient de réévoquer le souvenir du traumatisme qu'il a vécu. Donc ça, c'est vraiment des approches classiques de psychothérapie avec la neurostimulation. C'est-à-dire, pendant qu'il révoque le système traumatique qu'il n'arrive pas à oublier, qui devient envahissant, eh ben l'expérimentateur va stimuler une région qui est spécialisée dans l'extinction du souvenir traumatique. Donc voilà, ce sont des approches en fait qui essaient de qui quelque part reflètent en fait notre interdisciplinarité puisqu'elles vont consister à combiner différentes approches. On peut aussi combiner des psychothérapies avec des traitements pharmacologiques par exemple. Les traitements pharmacologiques consistent actuellement juste à augmenter la neurotransmission ou bien on pourrait faire, par exemple, d'augmenter le nombre de nouveaux neurones. Mais si ces nouveaux neurones ou ces nouvelles connexions entre neurones ne reçoivent pas comme une instruction, si je puis dire, sur la fonction qui est déficitaire, ils ne vont pas forcément s'instaurer dans le réseau adéquat. Donc en fait, si on associe une psychothérapie avec ces approches-là, ça va permettre d'un côté de stimuler la neurogenèse, par exemple, de l'autre côté, sélectionner les bons réseaux pour affronter au mieux la maladie, en fait. Est-ce que globalement, le monde des psychiatres perçoit vos travaux comme quelque chose d'intéressant et auquel ils sont prêts à s'associer ? Ou bien est-ce qu'il y a encore quelques réticences ? Alors, je pense que globalement, en tout cas, si on prend la psychiatrie universitaire, effectivement, je pense qu'elle est plutôt ouverte. Nos travaux sont plutôt accueillis avec beaucoup d'intérêt et d'excitation, en fait. Voilà le reportage du jour dans cet institut de recherche iBrain. Peut-être une réaction rapide, Michel Kerr, à ces travaux ? Oui, j'aurais tendance à penser qu'il ne faut pas opposer la psychiatrie hospital-universitaire de la psychiatrie de secteur, que tous les psychiatres peuvent être intéressés par des recherches fondamentales et puis de nouvelles pistes. Ma collègue n'a pas parlé du microbiote. Ou de l'inflammation à bas bruit, qui sont des pistes de recherche aujourd'hui sur les maladies psychiatriques qui sont très prometteuses. Psychiatrie. On espère bien que ça débouchera sur des méthodes de traitement intéressantes. Mais par ailleurs, donc il faut pas méconnaître que d'autres domaines doivent progresser, être repris même d'une période d'oubli, et revenir un petit peu au goût du jour. Certaines psychothérapies, les psychothérapies de groupe, familiales, la remédiation cognitive très importante. Donc il y a beaucoup d'autres aspects qui mériteraient d'être l'objet de recherches. Corinne Benestroff, même dans la psychiatrie de secteur, aussi s'adapter à des nouvelles formes de troubles, de maladies, notamment la souffrance au travail qui est encore mal prise en compte. Oui, la souffrance au travail est un bon exemple pour montrer l'extraordinaire porosité de la psychiatrie avec les autres domaines. Il faut savoir par exemple en 2016, l'Académie de médecine a considéré que le burn-out n'était pas un diagnostic médical. En France, par exemple, il n'est pas du tout considéré comme une maladie professionnelle. Et donc, du coup, on voit bien que à chaque fois qu'il se produit des expressions de pathologies différentes ou d'intensités différentes, eh bien, il y a une difficulté aussi à s'adapter et à inventer des modèles ou des modalités d'accompagnement des personnes. Merci beaucoup à tous les deux. On aura l'occasion de revenir sur ces pathologies particulières, sur les maladies professionnelles. C'est un sujet passionnant qu'on prendra le temps de développer. Merci à tous les deux. Merci Corinne Benestroff. Je rappelle que vous êtes l'autrice de Georges Semprin, entre résistance et résilience, cette édition du CNRS. Merci Michel Kerr, Soigner les fous, histoire des traitements médicaux en psychiatrie, cette édition Nouveau Monde. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Noémie Niaguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Ève Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Pierre Fossillon à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question de plein de sujets passionnants, de l'exploration des fonds marins, des vidéos en très très très très grand ralenti. Et aussi, on se posera la question de savoir si l'homme est un animal naturellement belliqueux et d'où lui vient son sens de la guerre. Voilà, on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.